Aga, putain, dans la force. J'suis dans la force du mal, gros, j'suis dans la force. Dans la force, dans la force. Chèque! Qui dit faux, qui dit vrai, qui dit vérité? Tes rappeurs, j'les baise dans toute humilité. Mon poteau, dis-moi pourquoi tu rages, j'en suis là, mon gars, c'est que je le méritais. J'te casse le cul, j'te le répare chez Naruto, Sasuke, Uchiwa, Kakashi, Haruno. Elle me suce, puis je crache, elle veut que j'en passe, mon négro, non, c'est dégoûtant. J'avais pas de buzz, elle me calculait pas ses chiennes. Aujourd'hui, elle se met tout droit en fil indienne. Fier comme un DZ, les principes à mes deals, j'vais mourir comme Boumedjen. J'aime ma femme, moi, j'suis dingue, dingue d'elle. Donc j'fais plus l'amour à l'hôtel. Quand on frappe, ça fait mal, quand on tire, ça fait bang. Quand j'rafale, ça fait bang, bang, bang. L'album il arrive, il est sur réchaud. Quand je dis les au quartier, tu passes pécho. Mon négro, mais ma mère, moi je suis gentil. C'est les gens derrière moi qui sont trop méchants. Coup de pompe, patate, balayette. Je suis dans le rap à la base, je voulais pas y être. Je suis posé dans ma zone avec gérant du four. Là où tous tes rappeurs ils mettent pas les yep. Va leur dire qu'ils aillent se faire mettre. Je suis dans le jet avec Paris Sportif, je peux me le permettre. Je souhaite dire qu'un car city dans la zone. Comme Bataz, on a quadrillé le périmètre. Décalage des femmes, c'est des usines. La vengeance, elle est froide comme en Russie. Bah ouais, mon négro, je suis trop rusé. Je vais t'envoyer des gens pour te museler. Le rap c'est comme le vélo, poteau ça peut pas se faire. T'auras beau faire le million dans la street, tu restes une grosse merde. 10 balles pour t'enlever la fille, ta mort coûte moins cher qu'un showcase. Elle voit que j'ai la bague au doigt, elle veut quand même que je la baisse. Le rap c'est comme le vélo, poteau ça peut pas se faire. T'auras beau faire le million dans la street, tu restes une grosse merde. 10 balles pour t'enlever la fille, ta mort coûte moins cher qu'un showcase. Elle voit que j'ai la bague au doigt, elle veut quand même que je la baisse.